Et oui, c'est maintenant à mi-chemin de l'émission que nous retrouvons notre doctorante de la semaine. Et aujourd'hui, notre doctorante est une doctorante, c'est Mathilde Morino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en quatrième année au Centre d'études sur les médias, les techniques et l'internationalisation. Pardon. Vous avez 4 minutes pour nous exposer la substantifique moelle de vos travaux. Bienvenue à la recherche Montre en main. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à présenter mon travail de recherche. Donc je vais essayer d'être la plus claire et succincte possible pour vous raconter ce qui finalement a animé les 4 dernières années de ma vie. Donc dans mon travail, moi ce que j'ai fait, c'est d'étudier les stratégies de lutte pour la gouvernance d'Internet. Donc en quelques mots, la gouvernance d'Internet c'est quoi? Eh bien dans le cadre de mon sujet et de façon très résumée, c'est finalement la manière dont se construit le devenir social d'une technique et donc ici d'Internet. Internet, ça peut paraître très bizarre de le rappeler, mais c'est une technologie d'information et de communication. Et à ce titre, elle s'inscrit dans une histoire longue. Et de tout temps, il y a eu des outils de communication qui ont été l'objet de nombreuses décisions politiques. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'elles ont été érigées au cœur des développements économiques. Par exemple, c'est ce qu'on peut entendre aujourd'hui quand on nous dit que grâce au numérique, on va avoir de moins en moins de chômage. L'un des principes finalement du libre-échange repose sur une grande partie de la capacité des techniques à fluidifier, accélérer ou à élargir les échanges eux-mêmes. Ce sont des termes qu'on retrouve avec Internet. Ça va très vite, ça permet de mettre en lien énormément de personnes entre elles, etc., etc. Tout ça, finalement, ça se retrouve dès le 19e siècle avec les principes que je viens de vous énumérer. Les principes de réduire le coût de la logistique, du temps et les coûts nécessaires à l'échange. Finalement, les techniques d'information et de communication ont toujours été en lien avec les pouvoirs en place. Donc moi, ce que j'ai fait dans mon travail pour étudier Internet, c'est de faire un détour historique par le XVIIIe siècle et d'étudier 3 techniques, à savoir le télégraphe, la radio et le numérique. À ce moment-là, ça m'a permis d'identifier 4 acteurs, 4 catégories d'acteurs qu'on retrouve tout le temps et de tout temps. Typiquement, ce sont les États, les entreprises, les institutions internationales, ainsi que des collectifs organisés et des militants individuels. Les développements des outils de communication sont au cœur des développements du capitalisme. À la fois, il va y avoir des développements de secteurs économiques particuliers, typiquement ce que vous évoquiez tout à l'heure pendant l'émission, les entreprises monopolistiques, mais il y a aussi une autre tendance qui va être une tendance avec des usages militants ou des luttes politiques pour ces outils eux-mêmes. On se retrouve avec des oppositions entre à la fois une utilisation à des fins politiques et une lutte politique réelle pour la gouvernance des techniques. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est analyser la politisation de la technique. Et pour le faire, je l'ai fait à partir de 3 cas d'études spécifiques. Dans ma recherche, finalement, ce que j'ai fait, c'est de mettre en avant que les militants du numérique ont utilisé des stratégies qui se sont avérées gagnantes, notamment dans le cadre de la neutralité du net, dans un combat qui s'est mené de 2009 à 2014, au sein de l'Union européenne et particulièrement en France, bien que la situation ait aujourd'hui changé. Mais il n'en reste pas moins qu'à ce moment-là, ce fut une victoire pour les militants, notamment qui a été soldée par le Parlement européen en 2014 pour un règlement dont il a été question tout à l'heure. Finalement, on se rend compte que les stratégies mises en place par des collectifs ont un véritable pouvoir sur la gouvernance des technologies. Par ailleurs, j'ai aussi analysé les reconfigurations des alliances entre les États, les entreprises, les institutions internationales et les militants. Par exemple, les États et les entreprises peuvent être opposés dans un conflit ou au contraire alliés dans un autre. C'est typiquement ce qui s'est passé lors du cas sur les données personnelles et la vie intime ou encore la vie personnelle, enfin la vie privée, qui a été une lutte qui s'est menée de 2012 à 2016. Ça m'a permis de montrer les liens entre les États, les entreprises, mais aussi la puissance des entreprises monopolistiques. Et ça permet, par exemple, de comprendre le règlement pour la protection des données personnelles, le fameux RGPD dont on entend tout le temps parler aujourd'hui. Dans ce cadre, les acteurs se retrouvent alliés ou au contraire en opposition. L'étude de ce cas m'a permis de me voir que finalement, ces reconfigurations se placent entre surveillance et volonté de limiter le pouvoir des entreprises. Et c'est en partie à partir de ça que les reconfigurations se font entre les États, les entreprises, les institutions internationales et les militants. C'est à partir de cette analyse et de ces reconfigurations d'alliances que j'en suis arrivée à observer finalement les transferts de connaissances et de compétences entre différents groupes militants, que ce soit les militants du numérique ou d'autres formes de militantisme. Et c'est une étude que j'ai faite sur la mise en place de l'état d'urgence en France à partir de 2015 et jusqu'à sa constitutionnalisation en 2007. Donc au final, dans ma thèse, ce que j'ai fait, c'est de réaliser une cartographie des stratégies qui ont été utilisées par les quatre acteurs de la gouvernance d'Internet, qui sont les États, les entreprises, les institutions internationales, ainsi que les collectifs organisés. Donc, dit autrement, j'ai mis en lumière la manière dont les acteurs engagés dans la lutte pour la gouvernance d'Internet créent les conditions de victoire sociale au sein de ces espaces ou, au contraire, échouent à atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup, Mathilde Morineau.